Je la veux pour moi, je la veux pour me marier. J'suis tombé l'ova, j'vais sauter les barrières. L'homme il est comme ça, il surveille pas ses arrières. Oui l'homme il est comme ça, peu importe la manière. Mais je ne le sens pas, y'a trop de semblables et ça me rend parano. Faut que j'fasse mon choix, que je ne me trompe pas, que j'fasse les choses par amour. J'pourrais changer sa vie mais comment lui dire. Je la vois, elle me voit pas, j'suis bon qu'à fuir. J'irai jusqu'à m'inventer une vie, lui mentir. Juste parce qu'elle est beautiful. Son genre, parce que j'ai pas le physique. J'attendrai mon jour, mais pour l'instant je me désiste. Et si elle crie au secours, j'arrive comme un missile. Oui, quand on aime, on souffre, on en devient agressif. Je ne comprends pas, la plupart des hommes veulent juste passer une nuit. Je ne suis pas comme ça, moi si elle me suit, je lui promets le paradis. Je pourrais changer sa vie, mais comment lui dire. Je la vois, elle me voit pas, j'suis bon qu'à fuir. J'irai jusqu'à m'inventer une vie, lui mentir. Juste parce qu'elle est beautiful. Je suis prêt à...